tralala. Je vais voir ma mère, vas-y, va là-bas. J'étais au studio, je faisais pas la mala. Mais tous les soirs, tu me rends fou malade. Attends, je vais en faire un de moulin. Sur Caroline de MZ Solar, y'a trop de nuages, on voit pas la luna. Au début, comment j'avais trop l'air chou, malala, des gaines passent. Sur Netflix, agenda, je me suis regardé l'impasse. La police, on l'aime pas. Lala des Game Pass, sur Netflix agenda, je me suis regardé l'aime pas, la police on l'aime pas. Je suis dans la zone d'été, y'a les condés, ça roule des connes de fou, concert complet. Elle fait sa folle l'été en débardeur, j'ai pris son nœud vite fait, je repasse à l'heure. Je suis dans la zone d'été, y'a les condés, ça roule des connes de fou, concert complet. Elle fait sa folle l'été. J'ai pris son nul vite fait, je repasse à l'heure. Toujours on viscus, toujours on se dispute. Je veux plus la Rétus, moi je veux la Lexus. Toi tu t'arrêtes plus, sous votre carrette. Tu veux voir si c'est de l'entrepre ou pas, comment le shit bulle. J'suis dans la zone calibrée sous flash. S'approche comme pour toi, ça fait du cash. Oh la cochonne, neuf et sa dédicace. N'existe pas, on le sait mieux quand tu passes. J'suis dans la zone calibrée sous flash. S'approche comme pour toi, ça fait du cash. Oh la cochonne, neuf et sa dédicace. N'existe pas, on le sait mieux quand tu passes. J'suis dans la zone d'été, y'a les condés. Ça roule des connes de fou, concert complet. Elle fait sa folle l'été en débardeur. J'ai pris son nœud vite fait, j'repasse ta l'heure. J'suis dans la zone d'été. Par mes affaires, tous les jours tu mets sur les nerfs. Du gros son dans le golf, c'est terre. Avec toi, je mélange dans ces terres. Je vais bouger, prépare mes affaires. Tous les jours tu mets sur les nerfs. Du gros son dans le golf, c'est terre. Avec toi, je mélange dans ces terres.